Je rêve de tendresse féminine, mais à la place je reçois des couteaux dans le cœur que je fais mine. De ne pas sentir afin de masquer ma famine affective. Mes oreilles ont soif de murmures amoureux. Mes mains s'assèchent par manque de caresses langoureuses. Mon regard est lassé par ces princesses vaporeuses qui sur le papier glacé des magazines s'immortalisent. Mes bras souhaitent enlacer une vraie femme et non une muse. En bref, j'en ai assez des rébêtements comme un gros naze en espérant trouver l'osmose. La mémoire trop souvent soumise aux soubresauts de cicatrices, d'expériences malheureuses qui se creusent, me crispent et me dévalorisent. Lorsqu'une fille m'attire, je me retrouve devant le risque qu'un être démoniaque se dissimule au-delà du masque, et qu'après l'engouement mutuel, tout se complique devienne grotesque. En effet, le magnétisme des débuts débine. Quand l'idéal projeté sur l'être tant aimé s'estompe, et qu'en émerge dans une tempête de poux d'épines, une viscérale mochetée lorsque l'enveloppe de déesse tombe. Soir de rupture, mes paupières se ferment, retenant tant bien que mal cette froide et tumultueuse écume qui frappe tambourine contre leur commissure. Disons pour noyer l'amertume, je trouve pas tant le sourire que les pleurs comme issue. Je crois que par endroit mon cœur est sec, rendu rugueux par des succubes. De l'amour il réclame le suc pour s'irriguer, garder sa pulpe, sa vigueur et ses galbes afin de ne pas finir ses câbles en tant qu'épave d'organes fragiles comme la rose des sables. On me demande d'être la fleur, je suis un fruit. On me demande d'être enfoui, je suis à fleur. On me demande un cœur, j'offre un encéphale gauche. D'où les plans s'échafaudent, scellés dans ces alcôves. Fort de mes faiblesses, faible de mes forces. L'artifice me blesse, la poésie m'écorche. Ma seule preuve d'amour, une sincère limpidité. Même si j'ai compris que le plus dur c'est la simplicité. Mes possessivités ici veut être de l'amour, et l'exclusivité veut être fidélité. Conventions et doxa sur le couple des faire, tant de notions et morales dont je veux me défaire. Ces serpents apparaissent sous les traits de la stabilité, mais leurs caresses sont l'étreint de la captivité. Je veux être libre même de ma condition d'homme. L'amour doit faire le plat pour accomplir son dôme, accoupler Sodome et les sphères célestes. C'est une union où les contraires s'éteignent, que désertent les dualités entre sa femme et l'autre, que décède beau et les bien et mal le soi et l'autre. Car ses statues salines par les doutes pétrifiés sont comme nos cœurs salis à l'écoute, étriqués, rôdés entre nuits glacées, zénith ardent, erronés entre vie passée, pénible attente.